Il est plutôt jeune, mon maître, et les promenades se font de plus en plus rares. Mais c'est mon copain. Il picole un peu trop, il m'aboie souvent dessus, mais il est comme ça. Et ce que je préfère, c'est l'entendre le soir, ronfler devant la télé, dans son vieux canapé, tout taché de bière. 15 ans que je vis avec lui, que je partage ses sautes d'humeur, ses siestes moites l'été et ses tartines beurrées. 15 ans que je le surveille, le protège, lui donne tout mon amour. Il commence à être vieux, mon chien. Mais il est encore en pleine forme, Polo. Il est toujours prêt à sortir. Et c'est mon compagnon. Il a mauvaise haleine. Il envoie des pets bruyants et malodorants. Mais ce que je préfère, c'est quand il se couche sur mes pieds le soir. Quand je regarde la télé. 15 ans qu'il partage ma vie. Qu'il attend patiemment sur le carrelage que je finisse mon petit canon au bistrot. Et qu'il pose son museau sur mes genoux quand je suis triste.